plus de son n'est plus menacé. Le protocole de Montréal, qui vise depuis 1987 à la réduction des émissions de gaz destructeurs d'ozone, a porté ses fruits. Telle est la conclusion d'un rapport élaboré par quelques 300 chercheurs et publié le 16 septembre par l'Organisation météorologique mondiale et le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Selon les chercheurs, la concentration d'ozone dans la haute atmosphère ne décroît plus depuis 10 ans, que ce soit au niveau mondial ou dans les régions polaires. La couche devrait revenir à son niveau d'avant les années 80 avant 2050. Le rapport se réjouit également des bénéfices collatéraux du protocole de Montréal pour le climat. Les gaz destructeurs d'ozone interdits contribuent à augmenter l'effet de serre.